c'était embêtant. 1000 ans, c'était quand même très long. Mais, se dirent les deux sœurs, si nous étions plus nombreux à creuser, cela pourrait aller beaucoup plus vite, c'est mathématique. Il nous suffit de demander de l'aide. Si nous sommes 1000 ou même 1 million à creuser, on pourrait arriver de l'autre côté avant le repas du soir.